Chapitre 35e. Au point de vue de Jacques, la chose était si énorme qu'elle devenait pour lui incompréhensible. Aussi dit-il naïvement à l'huissier, « Comprends-tu, toi ?»« Mais dame, oui, » répondit Bridoux d'un air de méchante bonhomie. « Madame ton épouse a fait cadeau de tes sapins aux inondés. Pas vrai, madame, c'est ça ?»« Oui, monsieur. » Bastien, suffoqué par la surprise et par la colère, ne put d'abord que balbutier en regardant sa femme d'un œil furieux. « Vous avez osé ? Comment ? Vous ?» Puis, frappant du pied avec rage, il fit un pas vers sa femme en crispant ses gros poings d'un air si menaçant que l'huissier se jeta au-devant de lui en s'écriant « Allons, Jacques, que diable ! Tu n'en mourras pas, mon vieux ! C'est un cadeau de 2000 francs environ que madame ton épouse a fait aux inondés !»« Et vous croyez que ça va se passer comme ça ?» reprit Jacques en tâchant de se contenir. « Mais vous êtes donc devenu folle alliée ? Ce carnage de ma sapinière devait me sauter aux yeux en arrivant. Vous avez donc oublié ça, hein ?»« Vous eussiez été ici, monsieur ?» répondit doucement Marie, de crainte d'irriter encore Bastien. « Comme moi, vous eussiez été témoin de cet horrible désastre et des maux qu'il a causé. »« Que vous auriez fait ce que j'ai fait, je n'en doute pas. »« Moi, tonnerre de Dieu ! Quand j'ai déjà une partie de mes meilleures terres ensablées ?»« Mon Dieu, monsieur, il vous reste bien assez de terre et de bois, tandis que les malheureux que nous avons secourus étaient sans pain et sans abri. »« Ah ça, mais c'est donc mon état à moi de donner du pain et des abris à ceux qui n'en ont pas ?» s'écria Bastien, exaspéré. « Ma parole d'honneur, c'est à devenir chèvre. Tu entends, Bridoux ?»« Tu sais bien, mon vieux, que les dames ne comprennent rien aux affaires et qu'il vaut mieux qu'elles ne s'en mêlent point. Hé, surtout des coupes de bois !» répondit l'huissier avec un ricanement mielleux. « Mais est-ce que je lui ai dit de s'en mêler, moi ?» reprit Jacques Bastien, dont la fureur s'exalta de nouveau. « Est-ce que je pouvais seulement supposer qu'elle n'aurait jamais eu l'audace de... »« Mais non, non, il y a quelque chose là-dessous. Il faut qu'elle ait la tête tournée. » « Ah, tonnerre de Dieu, j'arrive à temps !»« D'après cet échantillon-là, il paraît qu'il a dû se passer de drôles de choses ici pendant mon absence. »« Allons, allons, j'aurai de la besogne. Heureusement, je suis bon là, et j'ai la poigne solide. » Marie, jetant sur Jacques un regard d'une douceur suppliante, lui dit « Je ne puis regretter ce que j'ai fait, monsieur. Seulement ce que je regrette, c'est qu'une mesure qui me semblait devoir mériter votre approbation vous cause une vive contrariété. Du reste, ajouta la jeune femme en tâchant de sourire, je suis certaine que vous oublierez cette contrariété en apprenant avec quel courage Frédéric s'est conduit lors de l'inondation. Il a, au risque de sa vie, sauvé Jean-François, sa femme et ses enfants d'une mort certaine. Deux autres familles du Val ont été aussi... Hé, tonnerre de Dieu ! C'est justement parce qu'il avait payé de sa personne que vous n'aviez pas besoin, vous, de faire la généreuse à mes dépens et de payer de ma bourse ! S'écria le butor en interrompant sa femme. « Comment ? » reprit Marie, confondue de ce reproche. « Vous saviez que Frédéric avait été, comme tant d'autres, en bateau au secours des inondés, parbleu, emmelassé, rabâché à Pontbriand ? Voilà-t-il pas une belle affaire ? Qu'est-ce qu'il forçait de faire cela ? S'il l'a fait, c'est que ça lui a convenu. Eh bien, tant mieux pour lui. D'ailleurs, les papiers publics sont pleins de ces traits-là. Et encore, si le nom de mon fils avait été au moins mis dans le journal, à la bonne heure, ça m'aurait flatté. » « Il a peut-être eu la croix d'honneur, » ajouta l'huissier d'un air narquois et sournois. « Du reste, nous avons en causé de monsieur mon fils, et sérieusement, » reprit Jacques Bastien. « Mon compère Bridoux vient aussi pour ça. »« Je ne vous comprends pas, » dit Marie en balbutiant. « Quel rapport monsieur Bridoux peut-il avoir avec Frédéric ?»« Vous le saurez, car nous aurons demain à causer aussi de vous, et beaucoup. N'allez pas croire, voyez-vous, que l'affaire de mon millier de sapins passera comme une lettre à la poste. » Mais voilà 6 heures, qu'on nous fasse dîner. » Et il sonna. À ces mots, la jeune femme songea à l'argenterie portée à la ville et vendue en l'absence et à l'insu de son mari. Seule avec Jacques, Marie eut souffert avec sa résignation accoutumée, la colère, les injures, les menaces de cet homme. Mais en songeant aux emportements auxquels il pouvait se livrer devant son fils et devant David, elle était avec raison effrayée des conséquences possibles d'une pareille scène. Jacques Bastien reprit. « Avez-vous fait faire le bon feu dans la chambre de Bridoux ? Je vous ai crié qu'il passait plusieurs jours ici. »« Je croyais que vous partageriez votre chambre avec monsieur Bridoux, » reprit madame Bastien. « Sans cela, je ne vois pas où loger monsieur. »« Comment ? Et la chambre d'en haut ? » ?»« Mais c'est là que loge le précepteur de mon fils. »« Vous êtes encore bonne là, vous, avec votre précepteur. »« Eh bien, il décanira, donc, ce cracheur de latin, et voilà !» « Je serais désolé de gêner, » dit l'huissier. « Je préférerais repartir. »« Ah ça, Bridoux, décidément, nous allons nous fâcher, » reprit Jacques, et s'adressant à sa femme d'un ton courroucé. « Comment ? Je vous ai prévenu ce matin que Bridoux passerait quelques jours ici, rien n'est préparé. » « Encore une fois, monsieur, où voulez-vous que je loge le précepteur de mon fils si monsieur Bridoux occupe sa chambre ?»« Le précepteur de mon fils !» reprit Jacques en gonflant ses joues et haussant les épaules. « Vous n'avez que ça à la bouche. Faites donc la duchesse. Eh bien, le précepteur de votre fils ira coucher avec André. Il n'en mourra pas. »« Mais en vérité, monsieur, » dit Marie, « vous ne pensez pas que... »« Ah ça, voyons, ne m'échauffez pas les oreilles. » Ou je m'en vais dire au cracheur de latin de filer à l'instant de ma maison et d'aller voir sur la route de Pontbriand si j'y suis. Je ne serai donc pas maître chez moi à la fin, tonnerre de Dieu. » Marie frissonna. Elle savait M. Bastien capable de chasser brutalement ce précepteur. Elle se tut un instant. Puis, réfléchissant à l'inépuisable dévouement de David, elle reprit en tâchant de contenir ses larmes. « Soit, monsieur, le précepteur partagera la chambre d'André. » « Vraiment ?» reprit Jacques d'un air ironique. « C'est bien heureux. » « Et d'ailleurs, voyez-vous, madame, » ajouta l'huissier d'un air doucereux, « un précepteur, c'est comme qui dirait un peu plus qu'un domestique, pas davantage, car c'est une personne à gage. Sans cela, je ne me serais pas permis de le faire, décaniller, comme dit ce gros farceur de Jacques. » Marguerite vint à ce moment dire que le dîner était servi. Bridoux ôta sa blouse, passa la main dans ses cheveux jaunes et offrit d'un air coquet son bras à Madame Bastien qui tremblait de tous ses membres. Jacques Bastien jeta dans un coin son bâton de houx, garda sa blouse et suivit sa femme et l'huissier dans la salle à manger.